crois qu'une des requêtes qu'on a plusieurs fois demandé de prier pour les frères et sœurs pour les différents concours. Et je crois qu'il y a 3 personnes qui ont passé le concours pour l'UNESCA, qui sont des anciens de notre communauté, et même certains sont dans la communauté qui ont réussi. Il y a le frère Issouf, qui est actuellement en pays Marca. Il y a notre frère Daniel qui est avec nous. Et il y a le frère Diabaté. Donc, je crois que nous devons penser à tout ce que l'Éternel a fait pour nous pendant tout ce temps-là. C'est vrai que nous avons encore des défis devant nous. À plusieurs reprises, nous avons prié pour le quarantenaire et Dieu a étendu sa main. Tout s'est très bien passé. L'aspect sécuritaire qu'on voyait comme un souci, tout cela a été réglé par Dieu. Et ça a été un grand événement. Donc, ce sont des requêtes qui ont été répondues parce que à plusieurs reprises, nous avons demandé l'intervention de Dieu et il l'a fait. Pour les mariages aussi, je crois qu'il y en a. On a fait des démarches, des PPS. Il y a ce mariage qui est à côté. Il y a celui de Michael qui est toujours dans le mois de décembre, le 22. Donc, on voit qu'il y a d'autres encore qui se sont positionnés. N'est-ce pas? Il y a notre frère Saint. Et il y a Évaline et notre frère Karim. Donc, les gens sont en position. Bon. Ceux qui ne veulent rien faire comme Chantal, qui dit qu'elle repart à Bobo, je ne parle pas. OK. Donc, on va continuer à prier. N'est-ce pas? Marceline, Lego et les autres là. On va continuer à prier. Dieu connaît toutes choses. Donc, ça sera l'occasion, la deuxième partie, de dire merci à Dieu et de continuer toujours à compter sur lui. Et nous avons l'assurance que notre Dieu est un Dieu, ce qu'il dit, il achève. C'est ça? OK. Donc, je laisse la place à Moumouni. Moumouni, que le Seigneur te bénisse. Voilà. Et bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord exprimer ma reconnaissance au Seigneur qui m'a soutenu à tous égards, moi avec ma famille et aussi dans mes activités. Et je dis aussi merci au comité, merci aux pasteurs qui m'ont aussi donné l'occasion encore ce matin pour que je puisse partager la parole de Dieu avec vous. Et je dis que c'est une grande joie aussi, ça a été une grande joie pendant le quarantenaire de croiser plusieurs personnes. Et c'est encore une joie ce matin de voir nos papas et nos mamans, Gaëlle et Roche, avec notre maman Anne, qui sont là pour faire le culte avec nous. Et le pasteur disait que quand maman Gaëlle disait que quand ils étaient chez nous, il y avait d'autres qui étaient vraiment petits, les pasteurs disaient qu'ils se connaissent. J'ai fait partie parce que je sais que je n'avais vraiment pas dépassé l'âge de Nathan, à la limite Élisée. Donc on était vraiment tout petits et je me demandais si vraiment on aura encore l'occasion de les revoir. Ça fait vraiment la joie de les retrouver. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait dans le passé. Et je voudrais ce matin que nous examinions la parole de Dieu sur un thème d'encouragement. Et déjà, le chant que Wenmi a chanté, il disait que c'est son chant. Et je pensais que c'était mon chant d'abord, avant que ça ne devienne son chant. Donc, c'est un chant que j'aime beaucoup. Et pour ceux qui se rappellent, à chaque fois qu'on demandait une proposition de chant, c'est un chant que je proposais. Et je voudrais dire que ce chant aussi nous donne déjà une idée résumée de notre thème aujourd'hui. C'était le 139. Bon, apparemment, on n'avait pas le même numéro des cantiques. Dans mon cantique, c'est le 140 qui dit « Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. » Et c'est une promesse suprême qui soutient ma foi. Et la sombre vallée n'a plus de terreur, L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Et le refrain dit, non jamais, je ne suis jamais tout seul, mon sauveur me garde. Jamais il ne me laisse seul, je ne suis jamais tout seul parce qu'il est toujours avec moi. Et c'est un chant qui m'encourage beaucoup. Et je pense que souvent quand nous chantons et que nous réfléchissons aux mots qui sont dits dans les chants, ça doit aussi nous encourager. Et donc ce matin, j'avais choisi pour thème « Ne perds jamais courage malgré les circonstances ». Ne perds jamais courage malgré les circonstances. Aujourd'hui, je ne sais pas quelles circonstances t'environnent. Chacun de nous connaît sa situation, chacun de nous sait dans quelles circonstances il est. Et il se peut qu'en fonction de ce qui nous arrive et en fonction des circonstances, nous perdons courage ou que nous baissons les bras. Et je voudrais que nous examinions le cas de quelqu'un dans l'Ancien Testament qui peut nous encourager ce matin. Il s'agit de Isaac, qui était le fils d'Abraham et qui était le fils promis, si vous vous rappelez bien de l'histoire d'Abraham. Et ici, je vais lire le texte, il est un peu long. Il s'agit de Genèse 26. Nous allons lire les 25 premiers versets. Et je demande, si possible, que vous soyez le plus attentif possible à la lecture, parce que je ne vais plus revenir sur le texte verset par verset. Mais comme c'est une histoire, je pense que vous pourrez bien la suivre. Genèse 26, du verset 1 au verset 25. Je lis dans la version 8:21. Il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine de l'époque d'Abraham, et Isaac se rendit vers Abimélec, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Isaac resta donc à Guérar. Lorsque les habitants de l'endroit posaient ces questions à sa femme, il disait, « C'est ma sœur. » Il avait peur, en effet, qu'il ne le tue s'il disait « ma femme », parce que Rebecca était belle. Comme son séjour se prolongeait, Abimélec, le roi des Philistins, regardant un jour par la fenêtre, vit Isaac plaisanter avec sa femme Rebecca. Abimélec fit appeler Isaac et dit, « C'est certain, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai dit cela pour ne pas mourir à cause d'elle. » Abimélec dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Pour un peu, quelqu'un du peuple aurait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. » Alors Abimélec fit ce décret pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Verset 12. Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux de petits et de gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père à l'époque de son père Abraham, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'installa. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous. L'eau est à nous. » Il appela le puits Essek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle et il l'appela Sitna. Il partit de là et creusa un autre puits pour lequel il ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu de ton père Abraham. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. » Il construisit là un hôtel et fit appel au nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Amen. On va s'arrêter là. L'histoire, certainement que vous la connaissez, c'est un rappel pour certains. Et ici, nous voyons le cas d'Isaac, qui était le fils d'Abraham et qui était dans une circonstance difficile. On nous parle au début du chapitre d'une famine qui s'installa dans le pays. Et lorsqu'une famine s'installe, il y a des déplacés. Et on nous dit que c'était encore une famine en plus qui était différente de la famine au temps d'Abraham. Et il était obligé de se déplacer, de chercher refuge, de chercher un milieu où il pourrait encore mieux vivre. Et c'est ainsi qu'il est arrivé dans le pays des Philistins. Et il a été accueilli chez le roi. Et on nous dit que c'est le roi même qui l'a accueilli chez lui et qui lui a donné un bon séjour. Même si à la fin, nous allons voir que le séjour n'était pas aussi agréable à la fin. Et à partir du verset 24, nous voyons que Dieu apparut par la suite à Isaac parce que il dit qu'il était le Dieu de son serviteur Abraham. Et à cause d'Abraham qui est resté fidèle, et on aime de dire que Abraham est le père de la foi, il a gardé cette fidélité et cette bienveillance envers sa génération. Et la Bible nous dit que Dieu est toujours bon envers ses fidèles jusqu'à plusieurs générations après. Et nous le voyons déjà avec Isaac ici. Et de nos jours, nous pouvons dire que Dieu est avec nous. Quand Jésus partait, il a laissé le Saint-Esprit avec nous et il nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout comme Dieu avait dit à Isaac qu'il est avec lui jusqu'à la fin, de ne rien craindre, Jésus aussi nous a laissé cette promesse et nous sommes certains que Dieu est avec nous aussi, tout comme il était avec Isaac pendant tout notre séjour ici. Et nous voyons que Isaac a eu des difficultés pendant son séjour, mais il n'a pas perdu courage. Il n'a jamais perdu courage parce que au début, Dieu l'avait béni après la mort d'Isaac. Si on repart au chapitre 25, à partir du verset 11, vous allez voir que après la mort d'Isaac et d'Abraham, Dieu a béni Isaac. Donc il avait déjà cette bénédiction de Dieu au chapitre précédent, après la mort de son père. Et Dieu était avec lui. Il savait que malgré les circonstances qu'il traversait dans ce séjour à l'étranger, Dieu était toujours avec lui. Et nous voyons qu'il était quelqu'un qui avait des animaux qu'il cultivait. Et vous savez que l'eau est vraiment précieuse pour un éleveur. Parce que c'était d'abord une région beaucoup plus désertique. Et il faut avoir un puits. Il faut avoir un puits non seulement pour l'eau de consommation domestique, mais aussi pour pouvoir abreuver votre bétail et tout ce que vous avez. Parce qu'on nous dit qu'après, quand il a été installé, il devenait de plus en plus riche parce qu'il a eu de bonnes récoltes, qu'il avait des troupeaux et il avait assez à manger. Et voilà que, à cause de cette bénédiction, les gens étaient devenus jaloux de lui. Et quand je lisais ce texte, je dis, ah bon, ça veut dire que la jalousie n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le temps, ce temps d'Isaac, il y avait cette jalousie qui existait. Et voilà, la jalousie continuait et les gens étaient devenus jaloux de lui. Et lorsque nous lisons le texte, nous voyons que même le roi qui lui avait dit, qui avait dit aux gens, voilà, nous ne voulons pas que personne touche ni à lui, ni à sa femme, ce roi même qui l'a chassé par la suite. Parce que quand il a menti que la femme était sa sœur, par la suite, quand le roi a compris que c'était sa femme, on dit que le roi a fait sortir un décret pour dire, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Je pense qu'on a des juristes ici, et c'était un décret vraiment dur. Hein. Ce n'était pas qu'ils seront sanctionnés d'une autre manière, mais ils seront mis à mort. Ça veut dire que le roi avait vraiment pris toutes les dispositions pour protéger, en tout cas pour garantir la sécurité d'Isaac et de sa femme. Et c'est ce même roi, par la suite, puisqu'il a vu que Dieu le bénissait au fur et à mesure, on nous dit que c'est le même roi qui a dit, voilà, va-t'en des genoux, parce que tu deviens de plus en plus fort, tu es devenu plus fort que nous. Parce qu'il a vu qu'il avait beaucoup de richesses, il avait la bénédiction, tout ce que Dieu avait promis, il avait fait cette bénédiction pour lui. Et voilà qu'il est parti, et il s'installe, il a besoin de puits pour ses animaux, et les puits que son père Abraham avait creusés, on ne nous dit pas que les puits avaient séché, mais à cause de la jalousie, les Philistins sont allés remplir ces puits de terre. Pour ceux qui ont fait le village, vous savez, creuser un puits, ça prend du temps. Il faut de l'ardeur pour pouvoir creuser un puits. Et même dans le village, ce n'est pas n'importe qui creuse le puits. Il faut des spécialistes d'abord pour pouvoir détecter là où il peut y avoir de l'eau. Et aussi des gens qui peuvent creuser facilement jusqu'à arriver à l'eau. Et ces puits qui existaient, puisque c'est dans cette vallée qu'ils devaient repartir, s'installer, les Philistins sont allés, ils ont fermé tous ces puits. Et voilà, il est reparti et il n'a pas perdu courage. Si c'est nous, on peut se poser des questions, mais pourquoi Dieu, tu m'as béni après la mort de mon papa? Et pourquoi est-ce que tu permets que voilà, tout cela m'arrive? Il nous arrive souvent de poser beaucoup de questions. Pourquoi? Pourquoi Seigneur? Pourquoi tu as permis cela? Ainsi de suite, une succession de questions. Mais nous voyons que lui, quand il est reparti, il a ouvert tous ses puits. Et il a même creusé encore d'autres. Et on nous dit que le premier puits qu'il a creusé, il a trouvé une eau vive. Ça veut dire que c'était un puits qui avait une eau particulière. Et comme on ne voulait pas, on ne pouvait pas, on voulait garder cette eau, on n'allait pas venir remplir ce puits de terre. On est venu, il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la bagarre. Voilà, il faut venir trouver une occasion pour chercher une querelle. Voilà, et les bergers des Philistins ont commencé à dire, le puits est à nous. Je ne sais pas comment est-ce que vous n'avez pas creusé un puits, vous pouvez dire que ça vous appartient. Voilà. Parce que l'eau est à nous, parce que vous avez creusé le puits et sur notre sol, où, voilà, l'eau du sous-sol nous appartient, ou je ne sais pas sur quelle base ils disaient que l'eau est à eux. Et on nous dit qu'ils ont fait des querelles avec les bergers d'Isaac sur cette eau. Et il a laissé cette eau, il a laissé ce puits et il a continué, il est allé creuser un autre puits. Et c'est du verset 18 jusqu'au verset 19 jusqu'au verset 22, nous voyons qu'il y a jusqu'à trois puits de suite qu'il a creusé. Chaque fois qu'il y avait une querelle autour d'un puits, il laissait, il continuait, il creusait un autre. Et je me suis dit, mais quelle attitude de paix? Quelle attitude de paix avec Isaac? Il n'a pas répondu par la bagarre. Et le roi même qui avait dit qu'il était devenu plus puissant qu'eux, certainement que s'il le répliquait par des querelles, il pouvait aussi vaincre. Parce que le roi même dit qu'il était devenu plus puissant qu'eux. Mais on nous dit qu'il n'a pas répondu par la bagarre, mais il a laissé et il a allé creuser d'autres puits. Et il a pu avoir d'autres puits jusqu'à ce que le troisième puits qu'il puisse creuser, qu'il n'y ait plus de querelles là-bas et qu'il puisse s'installer. Et Souvent, nous pouvons aussi être dans une situation où on se demande, mais voilà, plusieurs personnes sont jaloux de nous, ou même ce sont nos voisins qui sont devenus jaloux de nous parce que nous sommes bénis par la suite. On peut être ensemble en train de faire plusieurs choses. Et lorsqu'ils vont commencer à voir que voilà, nous arrivons, Dieu nous a bénis, ainsi de suite, et tout de suite, on devient leur ennemi. Et souvent, on se pose la question, mais quelle attitude adopter? Et il y a plusieurs cas, ce n'est qu'un exemple, on peut avoir, en tout cas, chez nous, les vieux aiment dire, et souvent, quand ils veulent te bénir, ils te disent que Dieu permette que qu'il ne te manque jamais d'ennemis. On commence comme ça. Mais tu te dis, ah, comment on peut commencer une bénédiction à dire que Dieu permette qu'il ne te manque jamais d'ennemis. Mais la suite de la bénédiction est que Dieu ne permet jamais que ton ennemi puisse réussir à réussir tout ce qu'il planifie contre toi. C'est la bénédiction comme ça. Que Dieu permette que tu ne manques jamais d'ennemis, mais que Dieu ne permette jamais que ton ennemi puisse réussir à te faire ce qu'il prévoit, ce qu'il veut faire de toi. C'est ça. Donc c'est pour dire que dans cette vie, on a toujours des ennemis tant qu'on travaille. Et les mêmes yeux qui disent, c'est l'adage, quand ils veulent l'expliquer, ils te disent que si tu n'as pas d'ennemis, c'est que tu n'es rien. Parce que toute personne qui arrive à travailler, qui arrive à faire quelque chose, forcément il a quelqu'un qui est jaloux de lui ou quelqu'un qui est son ennemi. Mais si toi tu es là, tu n'as jamais d'ennemi, c'est qu'en réalité tu ne fous rien et personne ne t'en veut. Donc il n'y a pas d'ennemi, c'est pas la peine de tout le monde, voilà. On se dit que bon, c'est un vaurien et qui sera ennemi encore de lui. Tout le monde est ami avec lui. Et je pense que c'est la même chose que nous devons comprendre. Qu'une fois que nous sommes dans cette vie, une fois que nous sommes au niveau social, on a toujours des circonstances qui nous arrivent, qui peuvent venir des ennemis ou qui sont des situations même de maladie ou des situations qui nous arrivent, qui nous tombent dessus et que nous pouvons souvent nous demander, mais pourquoi? Mais sachant que la bénédiction de Dieu, elle est toujours avec nous. Et quelles sont les leçons que nous pouvons en tirer de ce passage ce matin? Que faire face à nos découragements? Qu'est-ce que nous devons faire? Puisque, quoi qu'on dise, on nous dit que, bon, vous le savez, chaque jour n'est pas rose. Ce n'est pas chaque jour qu'on se lève, on est content, chaque jour qu'on se lève, tout se passe comme on veut. Il y a des jours qu'on se lève, on a des situations qui nous arrivent, on est découragé. Et ces découragements peuvent être vraiment passagers ou même profonds, ça peut être des découragements qui prennent un long temps, en fonction même de notre attitude que nous adoptons face à ces découragements. Et voilà, je pense que j'ai trouvé que l'histoire du laboureur et ses enfants nous enseigne beaucoup plus ce matin. Continuons, persévérons. Et j'avais pu fouiller, je n'ai pas retrouvé la récitation, mais je suis allé sur Internet, j'ai retrouvé la récitation qui est là. Une récitation qu'on a appris à l'école primaire et que moi j'avais oublié. Je commence, mais je ne peux pas continuer avec la suite parce que j'ai oublié. Le laboureur et ses enfants. Qui sont ceux qui se rappellent encore? Vous voyez, on a tous appris, mais vous voyez que le pasteur se rappelle encore de cette récitation de La Fontaine, Jean de La Fontaine. Et on nous dit, ce laboureur, ses enfants, la récitation était la suivante. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants. Leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'autre. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout. si bien qu'au bout de l'an, ils en rapportent davantage d'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Jean de La Fontaine. On récitait ça. Et vous voyez, je trouve que c'est une leçon qui nous encourage aussi ce matin. Ne nous décourageons pas, nous devons travailler, nous devons fouiller, nous devons remuer la terre, comme ce laboureur qui voyait que sa mort approchait. Et il a dit à ses enfants, il y a un trésor dans le champ, mais je ne sais pas où ça se trouve. Allez-y, travaillez, fouillez, de toute façon, vous allez trouver. Et eux aussi, ils sont allés, ils ont travaillé tous les champs. Et on nous dit que c'est cette année en question, ils ont rapporté, ils ont récolté plus et plus davantage. Et ils se sont rendus compte que ce n'est que le travail qui est le trésor et qui peut nous aider. Donc, ici, je vois déjà l'attitude de persévérance. Cette persévérance que nous devons avoir. Dans toute situation, nous devons non pas regarder si le papa avait dit à ses parents, moi je n'ai pas d'héritage, moi je n'ai pas de testament à signer, à vous donner. Peut-être qu'ils n'auront même pas, il n'aura plus d'enfants qui allaient cultiver. Beaucoup allaient aller dans les villes ou ailleurs pour dire, bon, si c'est ça, on ne va pas rester ici. Parce que notre père ne nous a rien laissé. Et voilà qu'ils ont travaillé et ils ont pu avoir quelque chose. Et ils se sont rendus compte que si on travaille, et on a toujours eu quelque chose. Donc, la persévérance nous est reportée dans la Bible à plus d'un titre. Il y a plusieurs fois que la Bible nous parle de cette persévérance. L'apôtre Paul nous dit, courez toujours vers le but de la vocation céleste, oubliant tout ce qui est derrière lui. Il dit que lui court, parce que lui pense qu'il n'a pas encore remporté le prix. Et le prix est encore devant. Donc nous devons continuer à avancer et ne pas nous laisser décourager, ne pas nous laisser abattre par les découragements, les circonstances qui nous environnent. Ne jamais baisser les bras. Continuons malgré les résultats. Ce texte est particulièrement destiné aussi à ceux qui peuvent avoir fait des concours ou des examens ou des travaux et que les résultats ne suivent pas. Et peuvent se demander, mais pourquoi? Pourquoi chaque année je fais les concours, ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que Dieu me met dans cette situation? Et je disais qu'on peut on peut faire une série de pourquoi qui ne finissent jamais. Mais la persévérance, lorsque nous persévérons, Isaac pouvait baisser les bras. Il était en exil, il pouvait même dire, non, je retourne. Ou je pars en Égypte. Mais Dieu l'avait bien dit, au début du verset, on nous dit, Dieu l'a dit, au début du chapitre, de ne pas aller en Égypte. Et il a respecté l'ordre de Dieu et il est resté là où il devait rester. Est-ce que nous acceptons, est-ce que nous restons toujours à l'écoute de la parole? Est-ce que nous obéissons toujours à la parole de Dieu lorsque nous sommes dans des circonstances difficiles? Souvent, on se dit, bon, c'est vrai que Dieu a dit ça, mais moi-même, je suis dans une situation où, bon, je suis plus tenu de respecter ce que Dieu dit, hein. Même si je n'obéis pas, Dieu même comprend ma situation. Alors que c'est le même Dieu qui a promis qu'il te bénira, il sait comment le faire. Et nous voyons que dans tout ce qui m'a impressionné aussi, pendant toutes ces difficultés, Dieu ne l'a pas apparu. Il a laissé gérer toutes ces difficultés jusqu'à ce qu'il ait son puits où il n'y a plus de querelle avant que Dieu ne l'apparaisse pour lui dire, je suis avec toi, je te bénirai, ainsi de suite. Et s'il n'avait pas tenu jusqu'à la fin, est-ce que Dieu allait encore apparaître et pour lui dire, voilà, je te bénirai. Donc, c'est pour te dire ce matin que tu peux perdre quelques batailles dans la vie, mais tu n'as jamais perdu la guerre. Avec Dieu, on ne perd jamais la guerre. En cédant à la déception, on peut tomber aussi dans le péché. Si nous cédons à la déception, facilement nous tombons dans le péché et on s'écarte de plus en plus de Dieu. Si vous vous rappelez l'histoire de Caïn et d'Abel dans Genèse 4, qu'est-ce qui est dit? Dans Genèse 4, verset 3 au verset 7, on nous dit, au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il aborda un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte, à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Nous voyons que dès le début, Abel et Caïn, Abel était éleveur, Caïn était agriculteur. Et voilà qu'ils offrent chacun des offrandes, ils donnent chacun des offrandes à Dieu. Et Dieu apporte un regard favorable à l'offrande d'Abel. Et Caïn était jaloux de ça, parce qu'il n'était pas content que voilà, ce soit Abel, à Abel que Dieu apporte ce regard favorable. Et voilà, il était en colère. Souvent, nous pouvons être dans une situation et nous retrouver dans la colère. Mais quelle est notre attitude dans cette colère? Et Dieu l'a bien dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, voilà, tu tomberas dans le péché. Et nous voyons que lui, il avait, malgré qu'il a été bien averti par Dieu, voilà, il a décidé d'agir mal. Et en tuant, si vous lisez la suite de l'histoire, et on nous a dit qu'il a dit à son frère de sortir, de venir, ils vont sortir. Et dès qu'ils sont sortis, il a tué. Et vous voyez, quand Dieu est revenu pour le maudire, il a dit, le poids de mon péché est trop lourd pour moi. Parce que il a vu que il a regretté maintenant ce qu'il avait fait, alors qu'il avait été déjà averti. Donc, pour dire que lorsque nous sommes dans des situations de déception, de découragement, nous devons aussi savoir nous conduire. Parce que c'est comme si le péché est beaucoup plus proche de nous en ce moment. Et si nous ne savons pas, n'avons pas bien choisi la bonne manière d'agir, nous pouvons tomber dans le péché et nous écarter de plus en plus de Dieu. Et nous voyons que Isaac, lui, il avait été, je disais tantôt qu'il avait eu une attitude de paix. Et nous, chrétiens, c'est cette attitude de paix que la Bible nous demande. Dans nos milieux, dans nos cultures, dans notre habitation et partout où nous sommes dans nos services, on peut trouver des gens qui ne sont là que pour... Vraiment, on sait qu'on ne lui a rien fait, mais on dirait que lui, il a été envoyé que pour toi. Il n'est là que pour te provoquer, il n'est là que pour chercher querelle. Mais c'est à toi d'avoir une attitude de paix et de regarder toujours, de conduire toujours suivant la parole de Dieu. Et si on laisse la peur nous dominer, on a des distractions. Les querelles pour Isaac, c'était comme des distractions. Mais il n'a pas cédé à ses distractions. Et il a évité les distractions. Il a essayé de suivre l'exemple de son père Abraham. Comme lui aussi, il l'avait fait autant avec Lot. Il a aussi évité ses querelles en son temps. Et Dieu était avec Isaac. Même si en temps, il avait perdu son identité. En disant que voilà, la femme, ma femme, c'était pas ma femme, c'était ma sœur. Et nous voyons que Dieu a été avec lui. Parce que, et ce qui m'a un peu marqué aussi, je vois qu'il n'était pas le seul. Son père Abraham aussi l'avait fait deux fois. Et c'est la même chose. Si vous repartez dans Genèse 12, nous voyons que c'était les mêmes erreurs que son père avait commises avec sa femme, que lui aussi, il était en train de commettre. Dans Genèse 12, du verset 11 au verset 13, Abraham aussi avait dit la même chose. Genèse 12, du verset 11 au verset 13. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Saraï, écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront. Tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les intendants du Pharaon la virent et la vantèrent au Pharaon, si bien que la femme fut amenée chez le pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Cependant, l'Éternel frappa le pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Saraï, la femme d'Abraham. Alors le pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'était ta femme ?» Donc, on ne va pas tout lire, mais on voit que Abraham aussi avait, il était tombé aussi dans, c'était les mêmes erreurs de son papa que voilà, Isaac avait aussi emprunté. Et même dans Genèse 20, Abraham a fait la même chose encore. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'était à Guérar encore, dans la même vallée, avec, je pense que c'était encore dans la même région du Negev où campaient les Philistins. Et si vous voyez dans Genèse 20, du verset 1 au verset 2, on dit qu'Abraham partit de là pour la région du Negev. Il s'installa entre Kadès et Sur et fit un séjour à Gérar. Abraham disait à propos de sa femme Sarah, « C'est ma sœur. » Abimélec, roi de Gérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut à Abimélec dans un rêve pendant la nuit et dit, « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle est mariée. » Et ainsi de suite. Donc, je me suis dit, mais pourquoi lui aussi, il est encore rentré dans les mêmes erreurs. Parce que, voilà, tout simplement, il cherchait sa propre solution, il s'asseyait, il imaginait. C'est vrai que Dieu dit qu'il va me bénir, c'est vrai que Dieu dit qu'il me donnera une descendance plus nombreuse que le sable de la mer. Mais moi, il faut que je protège ma tête parce que à cause de ma femme qui est très belle, si je dis que c'est ma femme, ça va me créer des soucis. Paulin et Rhoda vont se marier le samedi prochain. J'espère que Paulin ne va pas aussi aller avoir peur pour dire, voilà, c'est ma soeur, c'est pas ma femme. Et je ne sais pas s'il y avait vraiment une ressemblance entre eux. Quand j'étais au secondaire, j'avais un collègue qui me dit que c'est bizarre, mais lui trouve que tous les couples, quelqu'un et sa femme, ils se ressemblent toujours. J'ai dit, ah bon, ce n'est que ce constat que toi tu as pu faire. Il dit oui, que t'es bien constaté. En tout cas, si lui regarde quelqu'un et sa femme, lui trouve qu'ils se ressemblent. Donc, je ne sais pas s'il y avait une ressemblance entre Abraham et Saraï ou entre Isaac et Rebecca, pour qu'il dise que c'est sa femme et que les gens puissent facilement l'accepter. Mais c'est pour dire que souvent, on peut vouloir perdre notre identité, on peut vouloir s'écarter en voulant chercher des solutions nous-mêmes, parce que les circonstances qui nous environnent, nous trouvons que c'est trop. C'est trop, nous ne pouvons pas supporter comme ça, et il faut trouver des astuces voilà, pour pouvoir s'en sortir. Et ce n'était pas toujours les bonnes manières. Il faut toujours dire la vérité, sinon on se met dans des ennuis inutiles. Et heureusement que eux, à chaque fois qu'ils ne disaient pas la vérité, Dieu intervenait à leur faveur. Mais il se pourrait aussi que, en ne disant pas la vérité, voilà, d'autres choses se passent et qu'après vous vous trouvez dans une situation vraiment que vous-même vous aurez cherché. Et que si vous aviez laissé Dieu agir, et on a pris ici le cas de quelqu'un, sa femme, qui la présente comme voilà, sa sœur. Il se peut que ce soit dans notre service, d'autres cas de corruption ou d'autres contextes qui nous arrivent, d'autres circonstances qui nous arrivent, et nous nous disons, bon, si je ne dis pas ça, bon, on va me virer ou bon, on va me laisser passer, tout le monde le fait et il faut que je le fasse aussi. Il y a tellement d'exemples qui peuvent arriver et si nous ignorons notre identité, et je disais au début que Dieu est avec nous, tout comme il avait apparu à Isaac après la mort de son père Abraham, Dieu est toujours avec nous et il est toujours le même. Et il nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ne perdons pas cette identité, et malgré quelles que soient les circonstances. Et je voulais terminer en lisant deux versets. Le premier se trouve dans Jérémie 29, 13. Jérémie 29, au verset 13, il est dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » cherchons Dieu de tout notre cœur. Si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, on le trouvera. Mais si nous cherchons Dieu parce que voilà, nous voulons le faire comme les autres le font, ou bien nous voulons le faire comme une question de suivi, et nous ne pourrons pas le retrouver. Et heureux celui qui a retrouvé vraiment Dieu. Si vous lisez le psaume 1, vous voyez, heureux celui qui marche selon le conseil de Dieu, selon la crainte de Dieu, mais qui ne suit pas les conseils des méchants, ainsi de suite. Si vous lisez le psaume 1, c'est vraiment intéressant. Et si nous sommes vraiment obéissants à Dieu, Jérémie nous dit, voilà, nous allons le retrouver si nous le laissons, si il se laisse, si nous le cherchons de tout notre cœur. Et aussi dans Proverbes, il y a la sagesse qui a été la sagesse personnifiée, la sagesse qui parle d'elle-même comme voilà, une personne, et qui aussi nous enseigne dans Proverbes 8. Ça veut dire qu'en plus de tout ça, il faut que nous soyons sages. Proverbes 8, au verset 17, « J'aime ceux qui m'aiment, c'est la sagesse qui parle, et ceux qui me cherchent me trouvent. » Et si on repart toujours dans Proverbes 8 au verset 32, il est dit, « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, heureux ceux qui persévèrent dans mes voies. » Donc, si nous persévérons dans la voie de la sagesse, si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il n'y a pas de raison que nous n'arrivons pas à triompher malgré les circonstances, malgré nos résultats, quel que soit tout ce qui nous arrivera, nous allons vaincre. Tout comme Isaac a tenu ferme et il a pu vaincre par la suite. Tournons-nous vers Dieu et recherchons la sagesse. Nous devons faire de la méditation de la parole de Dieu notre quotidien. Ce matin, avant de venir, j'avais juste capté la chaîne Impact TV et celui qui faisait la prédication a insisté sur le fait de lire la parole de Dieu. Il avait pris un exemple qui m'a fait rire. Il dit, voilà, un couple a invité un jour un pasteur chez lui pour aller manger. Et le pasteur est allé, il a mangé. Et à la fin, quand le pasteur est parti, la femme a constaté qu'il y a une cuillère qui n'était pas là. Elle a dit, voilà, que c'est le pasteur qui a volé ma cuillère. Et le mari a dit, non, il ne faut pas en faire des soucis, parce que, bon, tu sais, le pasteur, il va prendre une cuillère pour faire quoi. Elle dit, non, non, parce qu'elle sait, c'était là et c'est parti où. Donc, le mari a insisté, la femme a laissé tomber. Et la même année, l'année suivante, à la même période, certainement que c'était des périodes de fête, ils ont encore invité le pasteur. Et dès que le pasteur est arrivé, la femme n'a pas pu se contenir. Elle a dit, ah, pasteur, c'est vrai, la Bible nous dit de se pardonner. Il faut que je te dise clairement. Depuis l'an passé qu'on t'a invité, j'ai cherché ma cuillère en vain et je pense que c'est toi qui l'avais encore. Le pasteur a dit, amenez-moi votre Bible. Ils ont amené la Bible. Et ils pensaient que voilà, c'est un passage que le pasteur voulait lire. Car le pasteur avait mis la cuillère dans la Bible. C'est pour dire que il a ouvert la Bible, il a enlevé la cuillère, voici votre cuillère. C'est pour dire qu'eux, ils ont fait toute une année sans ouvrir la Bible. Donc, vous voyez, c'est juste, je ne sais pas si ça a été vraiment, ça s'est passé réellement, mais c'est pour nous dire que combien nous ne lisons pas la parole de Dieu et nous voulons progresser. Si nous sommes chrétiens, si nous n'en faisons pas la lecture, la méditation de la parole de Dieu, notre quotidien, nous ne pouvons jamais progresser. Alors que nous le voulons ou pas, on aura toujours des circonstances qui nous découragent, on aura toujours des circonstances environnantes qui nous déçoivent. Et rien, ce n'est que la parole de Dieu, ce n'est que Dieu et sa parole qui peut nous aider à triompher. Et si nous ne la lisons pas, si nous ne voulons pas de la parole de Dieu, comment est-ce que nous pouvons réussir? Nous serons toujours en train de raisonner comme des chrétiens qui disent vraiment, cette année, le diable est resté toujours derrière moi, tout le temps. On dirait que c'est moi seul, ce sont des épreuves qui m'envoyaient seulement, c'est comme si c'est moi seul qui était la cible du diable. Il y a des chrétiens qui le disent. Et chaque fois, je disais qu'on peut battre, on peut perdre des batailles, mais on ne perd jamais la guerre avec Dieu. Donc, ayons confiance au Seigneur, même à la dernière minute. C'est comme les matchs de football. Un bon supporter, même à une minute avant la fin, il dit toujours que son équipe gagne. Parce qu'il dit qu'en une minute, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, restons toujours confiants. Même si la situation nous absorbe jusqu'à un certain moment, on sait. Restons toujours confiants jusqu'à la dernière minute. On peut toujours avoir la victoire. Et parce que Dieu, et généralement, Dieu est quelqu'un de dernière minute. Si je peux m'exprimer ainsi, un jour j'ai changé avec Ortinel, j'ai dit, mais c'est bizarre. Je constate que Dieu est trop bizarre. Tu te trouves dans une situation, au lieu d'intervenir vite, il attend. Au moment où tu es carrément découragé, déçu, et que tu veux abandonner, c'est à ce moment qu'il intervient. Et ceux qui n'arrivent pas à tenir jusqu'à la fin, finalement, il y a d'autres qui abandonnent vite, alors que la même parole de Dieu nous dit qu'il ne nous laissera pas tenter au-delà, voilà, de nos forces. Persistons et demandons la conduite de Dieu et nous allons toujours avoir la victoire. Ne nous décourageons pas. Faut continuer à remuer comme les enfants du laboureur. Tiens ferme malgré les circonstances environnantes et nous aurons la victoire. Que le Dieu fidèle, qui est toujours le même depuis le temps d'Isaac, soit notre soutien, notre appui dans toutes circonstances, afin de ne jamais perdre courage dans cette vie, dans cette course que nous sommes en train de mener pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen.